بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc on continue inshallah ta'ala nos cours de fiqh dans l'explication du livre Manhaj al-Salikin l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. On avait commencé la semaine, ou plutôt le cours passé, le chapitre Babu Sifat al-Wudu, un chapitre concernant la description de al-Wudu, des ablutions. Et on avait lu la première partie dans laquelle le Cheikh décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va relire rapidement sans l'explication pour se rappeler et on continue inshallah ta'ala. Donc il dit le Cheikh l'imam السعدي رحمه الله تعالى وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونهيها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. Donc il commence avec quoi? النية, l'intention. Donc ici il montre, il indique que pour faire les ablutions il faut avoir l'intention, et l'intention, sa place elle est où? Dans le cœur et non pas sur la langue. Hein? Il n'est pas correct de prononcer l'intention avec la langue. Par exemple, tu dis ana al-ana tawadda li salati adh-dhuhri, par exemple. Tu ne dois pas dire je vais maintenant faire mes ablutions pour prier la prière de dhuhr, par exemple. Mais l'intention, c'est dans le cœur. Tu dois avoir l'intention de te purifier. Hein? Si quelqu'un, par exemple, on avait mentionné à chaud, hein, il se lave le visage, les mains, hein, la tête, les pieds. Ah, il dit, tiens, bah, j'ai fait les ablutions. Alhamdulillah. Non, ça marche pas. Il faut avoir l'intention de se purifier dans le cœur. D'accord? Ensuite, il dit, bismillah. Et on avait dit, la basmala, c'est quoi? Une sunna ou une obligation? Une autre sunna. C'est-à-dire que celui qui oublie de dire le basmala, ses ablutions sont quand même valides. Et on avait expliqué les preuves à ce sujet, revenez au cours précédent. Et il lave ses mains trois fois. Ça, on a dit, c'est quoi? Obligatoire? Sunna. C'est une sunna. Le lavage des mains au début, c'est une sunna. Hein? Et la preuve, c'est quoi? Al-aya. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat, farsilu wujuhakum. Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, si vous vous levez pour la prière, lavez vos visages. Allah Azza wa Jalla a commencé par les visages. Donc ici, le lavage de main trois fois, c'est une sunna. On avait expliqué, dans une situation, il est obligatoire. C'est dans quelle situation? Non, quand on se réveille, hein, de la nuit, et pour éviter de mettre les mains dans le récipient, ou on ne doit pas mettre les mains dans le récipient. C'est quoi la sagesse derrière cela? On ne sait pas où, si, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on dormit les mains. Na'am, ahsan tum. Thumma yatamadmada wa yastanshiq. C'est quoi le madmada? Nettoyer la bouche. Walistinshaq. Rentrer l'eau dans le nez. Comment on appelle pour sortir l'eau du nez? Ahsant, alistinthar. Trois fois. Avec trois poignées. Ça, c'est une sunna. Parmi les sunna, le fait de faire la bouche et le nez en même temps. Mais celui qui veut faire trois fois la bouche, puis ensuite trois fois le nez, c'est permis aussi. Non. De faire avec la même poignée la main et la bouche, c'est ça la sunna. Bien sûr, laver la bouche et le nez, c'est obligatoire. Mais trois fois avec la même poignée d'eau, la bouche et le nez, c'est ça qui est sunna. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan wa yadayhi ila ma'a ila pardon, wa yadayhi ila ta'ila toi. Ouais. Wa yadayhi ila al-mirfaqayn thalathan. Ensuite, il lave son visage trois fois et ses mains jusqu'au coude trois fois. Revenez à l'explication qu'on a mentionnée la dernière fois. ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه. Et il passe les mains mouillées. On a vu la différence entre laver et passer les mains mouillées, entre al-ghasl wa al-mas'h, hein, à partir du début de la tête jusqu'à la nuque, hein, avec ses deux mains. Thumma yu'iduhuma ila al-mahall alladhi badaha minhu marratan wahida. Ensuite, il ramène les mains là où il a commencé, une seule fois. Thumma yadkhulu sabbahi سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. Ensuite il rentre ses index à l'intérieur de ses deux oreilles et les suit avec, et avec les deux pouces à l'extérieur des oreilles, hein, une fois. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. Ensuite il lave les pieds jusqu'aux chevilles trois fois. On s'est arrêté là. Bien sûr, on avait décrit chaque passage. Revenez au cours précédent. Et il nous dit là à la fin, هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. Ceci est le wudu, les ablutions les plus complètes qu'a fait le prophète صلى الله عليه وسلم. On continue. والفرض من ذلك يعني الواجب فقط. Et donc, ce qui est obligatoire de tout cela, ce qui veut dire ici, il va mentionner les points, le minimum des ablutions pour qu'elles soient valides. Ce qui est obligatoire minimum. Hein, là, on a mentionné les ablutions complètes. Mais c'est quoi le minimum afin que les ablutions soient valides ? An yaghsilaha marratan wahida. Hein ? Qu'il lave donc ses membres une seule fois. Laver une fois, c'est ce qui est obligatoire. C'est-à-dire que la personne qui vient, il lave une fois son visage avec son nez et sa bouche, une fois sa main droite, une fois sa main gauche, sa tête, une fois son pied droit, une fois son pied gauche, ses ablutions sont valides. Mais comme on a vu, hein, ce qui est préférable, ce qui est sunna, c'est trois fois. لأن زيادة مرتين مرتين ثلاث مرات هذه السنة. Parce que ce qui a été rapporté, qu'il l'a fait deux fois, yani laver chaque membre deux fois ou trois fois, ça c'est une sunna. Kama fi babi 'ind al-Bukhari. Al-Bukhari, dans son livre, As-Sahih, l'authentique, hein, il a regroupé donc les hadiths et il a mis des chapitres, des titres de chapitres. Et qu'est-ce qu'ils disent, les ulama, hein, fiqh al-Bukhari fi tabwib. Hein, pour comprendre ou pour voir la compréhension de l'imam al-Bukhari, il faut, hein, regarder les titres des chapitres. C'est là qu'il va donner la compréhension de l'imam Bukhari, parce qu'il a mis ce hadith dans tel chapitre. Et donc là, il a mis un chapitre qui s'appelle Babul Wudu Marratan Marratan, chapitre des ablutions une fois, yani laver une fois chaque membre. Ensuite, il a fait un autre chapitre, et là, sous ce chapitre, il a mis des hadiths. Babul wudu marratain marratain. Chapitre des ablutions deux fois. Et ensuite, il a mis des hadiths. Babul wudu thalathan thalathan. Chapitre des ablutions trois fois. Et il a mis des hadiths. Parmi ces hadiths, An ibn Abbas radiallahu anhuma, قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. Parmi ces hadiths que l'imam Bukhari a mentionné, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait ses ablutions une fois, c'est-à-dire laver chaque membre une seule fois. D'accord, donc ce qui nous prouve que c'est le minimum obligatoire. Donc, par exemple, si tu as très peu d'eau à la maison, hein, ce qui arrive en ces jours-ci pour beaucoup d'entre nous, si tu as très peu d'eau à la maison, il t'est permis de te laver une seule fois. Hein, et ça nous rappelle le hadith où il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions avec un moud d'eau. Un moud, on a dit, c'est quand tu joins tes deux mains. Avec ça d'eau, le prophète a fait ses ablutions. Et essaye à la maison. Essaye de te laver une seule fois. Tu vas voir que tu n'es pas très loin de cette quantité d'eau. C'est possible, en se lavant qu'une seule fois, d'économiser l'eau un maximum. Ou par exemple, tu es très pressé et la prière va bientôt commencer, tu es là, hein, tu es dans la salle des ablutions, tu fais une fois parce que tu veux attraper ou avoir le takbirat al-ihram avec l'imam. C'est permis, tes ablutions sont valides. وكذلك عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرتين également il rapporte l'imam Bukhari selon عبد الله ابن زيد que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait les ablutions deux fois d'accord والله أعلم. Ça c'est la première chose obligatoire des ablutions. ثانيا وأن يرتبها et qu'il le fasse dans l'ordre. L'ordre, at-tartib, l'ordre est une obligation. Ala ma dhakarahu Allah bi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum al-aya. Pourquoi l'ordre est une obligation? Selon ce qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné dans son livre, le verset dans sourate Al-Ma'ida qu'on appelle verset Ayatul Wudu, hein, que je vous avais dit mes frères, hein, qui serait bien que chacun de vous le connaisse par cœur. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, ô vous qui croyez, si vous vous levez pour la prière, hein, lavez vos visages, hein, jusqu'à la fin du verset. Taïeb, comment on comprend dans ce verset, hein, que l'ordre est obligatoire? Quand on dit l'ordre, c'est respecter le lavage, l'ordre du lavage, le visage, les mains, quand je dis les mains, on dit les avant-bras, la tête et les pieds. Quelqu'un dit non? Moi, je veux commencer avec les pieds, après je fais mes mains, après je fais mon visage, après je fais ma tête. On dit non, tes ablutions ne sont pas valides. Il m'a dit, c'est quoi ton dalil? C'est quoi ta preuve? Donne-moi une preuve que ce n'est pas valide. At-tartib wa rukn, wa dalil at-tartib amran, kama qala al-ulama. Donc l'ordre, c'est un pilier dans les ablutions. Et la preuve, les ulama en ont cité deux principales. أولا جاء بفاء الذي تفيد الترتيب. Là, ceux qui parlent l'arabe, ils comprennent. Parce que dans le verset, qu'est-ce qu'il dit Allah? يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى القربين إلى الكعبين إلى المرافق pardon. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Allah عز وجل commence avec quoi? Le fa qui indique quoi en arabe? At-tartib, l'ordre. D'accord? Ça, c'est premièrement. Mais il y a un. Non? L'ordre. L'ordre du lavage. Mais on a une preuve encore plus forte ou encore plus solide. Ja'a bimash'i ras bayna al-kalam anil ras lil-udwayn. Fa'ata bil-mamsouh bayna shay'ayn maghsoulayn. لماذا فصل النضير النادري والمقصود بالنضير ما يشبهه معروف عند العرب إذا سكت الكلام وأتت به تأتي بالنضير مع النضير ثم تأتي بشيء غير النضير فقطع بالممسوح بين مغسولين فالفائدة في هذا الوجوب للترتيب هذا أقوى الدليل على الترتيب ثم ما أكد على ذلك أن ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ غير مرتب جاء في حديث أبي داود ولكن ضعيف. Donc pourquoi on dit que l'ordre est obligatoire? Parce qu'ici, si vous regardez le verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ila qumtum ila salah, ô vous qui croyez, si vous vous levez pour la prière, farsilu wujuhakum, lavez vos visages, wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos mains jusqu'aux coudes. Là, on parle de quoi? De lavage. Lavez les visages et les mains. Le lavage, on prend l'eau et on verse l'eau dessus, d'accord? Ensuite, il dit quoi? Wamsahu bi ru'usikum. Et essuyez ou passez les mains mouillées sur vos têtes. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Puis lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il a mis le fait d'essuyer sur la tête, de passer les mains mouillées entre deux membres qu'on doit laver. Alors que dans la langue arabe, chez les Arabes, ils réunissent toujours les choses qui se ressemblent et ensuite ils mettent la chose qui est différente des autres. Mais là, Allah, il a imbriqué, non, comment, introduit, barakallahu fik, il a introduit l'essuyage sur la tête entre deux membres qu'on doit laver. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait cela? Alors que dans la langue arabe, normalement, on doit regrouper ce qui, ce qui se ressemble et laisser après ce qui ne ressemble pas. Parce que pour montrer que l'ordre est obligatoire. Regardez mes frères, subhanallah. Regardez l'ulema, hein, quelle basira, quelle clairvoyance ils ont pour comprendre les textes. نعم ذكرنا هذا في الدرس الماضي parce que Allah Azza wa Jalla dit wa arjulakum, et on va aussi le mentionner après dans le chapitre concernant le lavage sur les chaussettes. Wa arjulakum, ici arjula il est mansoub, hein, c'est-à-dire qu'il y a une fatha parce qu'il est maf'ulun bihi, c'est-à-dire il subit l'action qu'on appelle en français le COD, corrigez-moi si je me trompe. Alors que le verbe d'avant c'est wamsahu bi ru'usikum, et essuyez sur vos têtes. Si l'essuyage, si les pieds suivaient l'essuyage, on aurait dû dire arjulikum. Mais si on dit arjulakum, ça veut dire que les pieds reviennent au premier verbe qui est farsilu wujuhakum. C'est peut-être un peu compliqué pour les non-arabophones de comprendre, mais on l'avait déjà expliqué dans le cours précédent et on va le réexpliquer après dans l'essuyage des chaussettes, Inch'Allah. Al-Muhim, vous avez tous compris que Allah Azza wa Jalla a introduit le membre qu'on essuie, on passe les mains mouillées entre deux membres qu'on lave. Alors que dans la langue arabe, normalement, on doit regrouper les choses qui sont ensemble. Donc s'il a fait ça, ça nous prouve que l'ordre est obligatoire. Fahimtoum ? Et si quelqu'un vient vous rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, a fait les ablutions dans le désordre, hein, ni pas dans l'ordre, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud, sachez que le hadith, il est da'if, il est faible, il n'est pas authentique, il n'est pas acceptable. وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالة. Et là il mentionne la dernière chose obligatoire dans les ablutions, c'est qu'il ne laisse pas de délai entre le lavage de deux membres. Hein, on va l'expliquer en détail, Inch'Allah. Ay, idha tawadda'ta, alayka an tuwali bayna al-a'dha. C'est-à-dire, si tu fais les ablutions, tu dois obligatoirement les faire d'un seul trait, continuellement, entre le lavage de tous les membres. Wal maqsoud bil muwala, an tatawadda, mathalan, tarsilu yadayk. ثم الوجه ثم اليد إلى المرفقين ثم تمسح الرأس إلى آخره هكذا لأن الموالاة من الفرائض يعني عدو بعد عدو لا تتأخر. C'est-à-dire donc tu laves tes mains, ensuite tu laves ta bouche, ton nez, ton visage, hein, tes avant-bras, tu passes la tête et tes pieds. Tu fais lavage, tu laves chaque membre après chaque membre. Et tu ne laisses pas de délai dans le lavage entre deux membres. D'accord ? Tayeb, la question qu'on se pose. Hada ta'akhul, ma miqdaru. Tayeb, je ne dois pas laisser de délai. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Le temps exact que je dois pas laisser. 30 secondes, une minute, hein? Là ici l'auteur nous dit quoi? Il nous dit urfan, ce qui est connu dans les habitudes des gens. Et on va donner un exemple. Famathalan tabda al-wudu وبعد غسل الوجه تذهب في المطبخ لتشرب الشاي ثم ترجع وتغسل يديك ثم تذهب إلى المطبخ وتأكل الكعكة عند الناس عند عرف الناس أنت تتوضأ؟ لا. Par exemple, tu commences tes ablutions. Hein? Après avoir lavé la tête, tu vas dans ta cuisine, tu bois un thé. Ensuite, tu reviens dans ta salle de bain, tu laves tes mains. Après, tu vas dans ta cuisine, tu manges un gâteau. Auprès de, quand si quelqu'un te voit, il va dire lui il fait ses ablutions. Il va dire c'est pas une personne. Dans la coutume des gens ou dans l'habitude des gens, cette personne ne fait pas ses ablutions. Donc ici, l'auteur du livre, l'imam al-Sa'di, hein, et ça c'est l'avis de certains savants, ils disent que le délai que tu dois pas dépasser, c'est ce qui est connu chez les gens. Mais par exemple, je suis dans la salle de bain, je fais mes ablutions. Hein, mon enfant, mon fils, il frappe à la salle de bain. J'y vais, j'ouvre la porte, je retourne. Là, est-ce que ça... Est-ce que le... Non, là, les gens, s'ils me voient, ils vont se dire, oui, il fait ses ablutions, il a juste ouvert la porte. D'accord ? Mais si je vais dans la cuisine, je bois un thé, ou je vais dehors, je ramasse les feuilles mortes, ou je ne sais pas quoi, ils ont dit, non, mais il ne fait pas ses ablutions. Vous comprenez ? Il y a un autre avis. وبعض العلماء وبعض العلماء يقولون المقدار ليس العرف لكن المقدار أن ينشف الوضوء pardon. D'autres ulama ont dit c'est pas le urf qui compte, c'est que tu dois pas laisser de temps jusqu'à que le membre que tu viens de laver sèche. Ça c'est ce qui est le plus connu je pense. Certains ont dit hein, par exemple tu laves ta main hein, ou tu laves ton visage, après tu sais pas tu fais quelque chose, ton visage il a séché, alors là tu peux pas reprendre la main. Tu dois recommencer. Hein? Vous avez compris cet avis-là? C'est quoi le dalil? Tayeb, là, tu parles depuis tout à l'heure, il y a Akhi, c'est quoi ton dalil? Hein? Wad dalil, anna al-muwala min fara'id al-wudu, ja'a fi sahih, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, رأى رجلا قد يتوضأ وقد توضأ عفوا وإنما هذا الرجل توضأ وجد في قدمه اللمعة أي بقعة لم يسل الماء فأمره بإعادة الوضوء وكذلك الآية السابقة تدل على الموالاة. C'est quoi la preuve comme était rapporté dans l'authentique de Bukhari? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait fait ses ablutions. Et après qu'il avait fait ses ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué sur le pied de cet homme qu'une partie, hein, certains disent partie de la grosseur d'un dinar, était sec. Ou sèche, une partie était sèche. C'est-à-dire que l'eau n'avait pas atteint cette partie de son pied. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Retourne et refais tes ablutions. Qui a compris là, pourquoi ce hadith est la preuve d'al-mu'ala? Barakallahu fik. Si l'mu'ala, si le fait de faire d'un seul trait n'était pas obligatoire, le prophète dit lave ton pied et c'est fini. Mais comme le délai était passé, le temps était passé, il a dit recommence. Vous avez compris, hein? Et aussi, il nous dit ici le shir que le verset en lui-même nous prouve que tu dois le faire d'un seul trait. Taïeb, et avec ça, alhamdoulilah, on termine hein, le chapitre concernant la description des ablutions. Et on continue. Babu al-mashi al-khuffayn. Ah, un chapitre que beaucoup de nos frères aiment et qu'on a déjà parlé dans nos cours précédemment. Le chapitre concernant l'essuyage sur al-khuff. Al-khuff, hein, dans filistilah, c'est tout ce qui entoure ton pied qui te sert à marcher. Les chaussettes. Les chaussons, les chaussures. Et c'est pas obligatoirement, comme certains pensent, al-khuf bil-jild. Hein, vous savez, c'est chaussettes en cuir. Hein? On ne les voit pas trop ici, Allah alam. Mais dans certains pays, c'est très connu, comme Pakistan, vous allez au Pakistan, tout ça. Ils ont tous ça. Parce que certaines personnes pensent que c'est que sur ce type de chaussettes ou de chaussons qu'on doit passer. Non, c'est tout ce qui est au pied. Et on va voir les conditions, bien sûr. مسألة المسح على الخفين ثابت في الشريعة من القرآن والسنة. Le sujet concernant l'essuyage sur les chaussons, les chaussettes, le khuf, est confirmé dans la législation islamique. confirmé par le Coran et la Sunna. وَذَكَرْنَا فِي الْآيَةِ. Et c'est là qu'on revient au sujet. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ on a dit إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Dans une autre lecture, hein, vous savez que le Coran, il a plusieurs lectures. Dans une autre lecture, وَأَرْجُلِكُمْ avec kasra. Et donc si on dit وَأَرْجُلِكُمْ ici, hein, le lavage des, ou plutôt les pieds ne reviennent pas au lavage, mais reviennent au verbe d'avant qui est le fait de passer les mains mouillées. Et donc les ulama disent que ça c'est une preuve, cette lecture est une preuve que le fait de passer les mains mouillées sur les chaussons et les chaussettes. Parce que tout le monde sait, et les savants sont unanimes pour dire que passer les mains mouillées sur les pieds, ce n'est pas valable. Mais le fait de passer les mains mouillées, c'est sur quoi? Sur les chaussons ou sur les chaussettes? Ça, c'est la preuve du Coran. وكما قال أحمد لما سئل عن مسح الخفين قال عندي فيها أربعون حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أضع هذه الأحاديث؟ également l'imam Ahmed lorsqu'on l'a interrogé sur l'essuyage des chaussettes il a dit رحمه الله تعالى j'ai plus de 40 hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Comment je vais délaisser ces hadiths? 40 hadiths authentiques. Malgré le fait que pour les gens de la sunna, wallah, un hadith ça suffit. Un seul hadith nous suffit pour croire dans un sujet. Un hadith authentique. Ici, il en a 40 d'authentiques. Ici, et il ne mentionne pas le shir, mais également il est mentionné que l'imam al-Hassan al-Basri Rahimahullah ta'ala a dit j'ai rencontré plus de 70 compagnons et ils m'ont tous mentionné le fait de me passer les mains ou de faire l'essuyage sur les chaussettes. Et les preuves, on pourrait les citer jusqu'à demain matin. لأن هذه التي هي مسح الخفين تجد أن بعض أهل العلم يذكرونها في كتب العقائد مثل عقيدة التحاوية مثلا. لماذا؟ لماذا هم أدخلوا مسألة فقهية في كتب العقائد؟ Et vous trouvez, mes frères, que certains savants de l'islam ont introduit dans leurs livres de croyance, hein, les livres concernant la aqida, la croyance, ce sujet-là, qui est un sujet de fiqh, qui d'apparence n'a rien à voir avec la croyance. C'est un sujet de fiqh. Pourquoi alors ces savants-là, et comme par exemple l'imam al-Tahawi, dans son fameux livre Al-Aqid al-Tahawiyya, pourquoi il a mentionné ce sujet de fiqh dans les livres de croyance? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية بعد السلف أو العلماء المتقدمين كانوا يذكرون بعد المسائل الفقهية في كتب العقائد لأن أشهر من خالف هو أهل البدعة. يدي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى certains des pieux prédécesseurs ou certains des savants hein, dans les premiers siècles ont mentionné certains sujets de fiqh dans leurs livres de croyance car ce sont les sujets les plus connus dans lesquels les gens de l'innovation se sont égarés ou ont divergé des gens de la sunna. Donc pour réfuter les gens de l'innovation, les gens de la sunna ont mentionné ces sujets. Comme quoi? Comme le fait de passer les mains sur les chaussettes. Quel groupe de l'innovation ne voit pas cela? Al-Shia. Al-Shia, hein, qui eux croient et voient que tu passes les mains mouillées sur tes pieds et pas sur tes chaussettes. Donc si tu regardes un shiri, un chiite, tu verras qu'il va faire ses ablutions, il va passer ses mains mouillées comme ça sur ses pieds. C'est-à-dire que toutes leurs prières sont batil, annulées, parce que leurs ablutions ne sont pas valides. Et si les ablutions ne sont pas valides, la prière n'est pas valide. Hein? Donc, afin de réfuter les shi'a, hein? Et je vous rappelle que la dangerosité des shi'a, mes frères, hein? Ne minimisez pas leur dangerosité. Hein, certains, ils les minimisent. Non, c'est nos frères. Hein, on a le même, on a, ils adorent Allah. Hein, ils font le hajj. Hein, ils prient comme nous 5 fois par jour. Attention. Yakum au Shia. Allah, ces gens sont très dangereux. On a déjà cité certains de leurs égarements. Hein, comme le fait qu'ils ont donné des attributs de divinité à leurs imams, aux 12 imams. Comme le fait qu'ils ont insulté, rendu mécréant la très grande majorité des sahabas. Et à leur tête, Abu Bakr, Omar et Uthman, qui les ont rendus mécréants. Et ils ont insulté notre mère, Aïcha, radiallahu anha, de prostituée. La'anatullah alayhim. Et ils ont dit que le Coran, à notre époque, c'est pas le vrai Coran. Et ils ont permis le mariage temporaire. Et ils ont permis la sodomie. Et autres parmi les choses atroces qu'ils ont permis. Donc faites attention à ces gens qui commencent à infiltrer l'Afrique et venir avec leurs prédications et leur argent et acheter les gens. Attention mes frères. Si tu vois quelqu'un parler sur le Sahaba, yak, hein, fais attention. Prends garde. Prends garde. Si tu entends quelqu'un insulter Abu Bakr ou Omar, wallah, il fait attention, cours. Sauve-toi de cette personne. À moins que tu aies les armes, yani tu as la science pour le réfuter et l'appeler à la sunna, fais-le. Si tu n'as pas de science, éloigne-toi de cette personne. Al-Muhim. فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانْ وَنَحْوِهِمَا مَسَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ. Donc si hein, tu as des chaussons, chaussettes aux pieds, alors, ou au nanis qui ressemble, tu peux essuyer dessus. Tu passes dessus lors des ablutions. Si tu le souhaites, hein, pendant 1 jour et 1 nuit pour celui qui est résident et 3 jours et 3 nuits pour celui qui est en voyage. La bud bitawqit. Ça, c'est le premier, la première condition que l'imam il cite. C'est respecter le délai. Kama jaa fil ahadith al-kathira. عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما. Comme ça a été rapporté par beaucoup de compagnons comme عائشة, أبو هريرة, علي et autres. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وخالف مالك وكان لا يرى في المسح توقيتا. لأن جاء في أبي داود حديث عن عبيد ابن عمرة وابن عمرة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال وثلاثة قال امسح ما شئت لكن هذا الحديث ضعيف جدا. Donc obligatoirement on doit respecter les jours, le nombre de jours, le délai, parce qu'il y a beaucoup de hadiths à ce sujet, et ça c'est l'avis de la très grande majorité des savants excepté l'imam Malik rahimahullah ta'ala, hein, qui a divergé lui sur ce sujet, et lui il ne voit pas de temps de limite. Il se base sur un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud où un Ubayd ibn Amara a mentionné au prophète, au messager d'Allah, hein, je peux essuyer sur mes chaussons? Il a dit oui. 1 jour? Oui. 2 jours? Oui. 3 jours? Essuie tant que tu veux. Mais le hadith il est faible, très faible, on ne peut pas le prendre. Là, le shir ne mentionne pas. Mais on l'avait mentionné dans nos cours précédemment, hein, le délai c'est 1 jour, 1 nuit pour le résident, 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. À partir de quand? On avait dit à partir de quand il commence ce délai? La fois où il, après avoir passé l'ablution, la fois où il commence à faire l'essuyage. Naam, Ahsan. Ce temps commence au moment où tu as essuyé pour la première fois. On prend un exemple, excusez-moi pour ceux qui étaient là, mais hein, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un. Pour leur faire comprendre, et pour les autres c'est un rappel. Je me lève le fajr, je fais mes ablutions, je lave mes pieds, je mets mes chaussettes, je prie le fajr, je fais ma matinée, je perds mes ablutions avant le dhuhr, je refais mes ablutions, je passe sur mes chaussettes. Jusqu'ici c'est clair? Les 24 heures ils commencent à ce moment là ça veut dire que je peux essuyer sur mes chaussettes jusqu'au lendemain du dhuhr, d'accord? Si le lendemain au dhuhr, je perds mes ablutions, alors là, je dois enlever mes chaussettes et refaire mes ablutions. D'accord? Et si le lendemain, au dhuhr, J'ai mes ablutions et c'est l'heure de la prière. Est-ce que je refais les ablutions? Non. J'ai mes ablutions, je continue, même jusqu'au Isha par exemple. Mais, au moment où je perdrai mes ablutions à ce moment-là, donc là je devrais enlever mes chaussettes. C'est compris? Ça c'est pour le résident. Le voyageur c'est pareil, sauf que c'est 3 jours et 3 nuits. 72 heures. D'accord? Bishart an yalbasahu ma ala tahar. La condition de passer sur les chaussettes ou les chaussons, c'est qu'on les a mis alors qu'on était en état de pureté. Hein, c'est pas je me lève le matin, je mets mes chaussettes et après je fais les ablutions. Non. Il faut que je sois en état de pureté. Non, mais donc là, le Shir, il mentionne hein, une preuve, hein, et les preuves sont très nombreuses. Et parmi ces preuves, le hadith de Anas, hein, qui est rapporté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, si un d'entre vous fait ses ablutions hein, et qu'il porte hein, ses chaussons, ses chaussettes, ses chaussons, ni ses deux khouf, hein, alors qu'il passe les mains mouillées dessus et qu'il prie avec hein, et qu'il ne les enlève pas s'il le souhaite, excepté s'il est en état de janaba, yani de pureté majeure. Impureté majeure. Hein, ce hadith est rapporté par le Hakim, hein, Abu Abdillah, le Hakim, qui a un livre qui s'appelle. C'est un livre de la Sunna. Vous connaissez, il faut connaître ce livre parce que hein, il est mentionné par les gens du hadith. Al-Mustadrak, Al-Mustadrak de Al-Hakim. Hein, le Hakim il est mort 405 de l'Hégire. 405 de l'Hégire. Al-Hakim. Et Al-Hakim, qu'est-ce qu'il a voulu faire hein, parce que certaines personnes à son époque critiquaient les gens du hadith et le Bukhari muslim. Il a voulu regrouper des hadiths authentiques qui ne sont pas dans le Bukhari muslim, mais qui sont authentiques, pour montrer qu'il y a pas, qu'il y a d'autres hadiths qui sont authentiques autres que dans le Bukhari muslim. Donc il a fait son livre qu'on appelle Al-Mustadrak. Mais tous les hadiths qui sont dedans ne sont pas authentiques. Hein? Donc faites attention, quand on dit Al-Hakim, il a mentionné, il faut voir, c'est pas sûr que c'est authentique. Hein? Al-Hafiz al-Zahabi, hein, il a travaillé le livre et il a donné son avis sur certains hadiths, mais pareil, ça nécessite hein, de vérifier ou d'aller voir, ou de voir ce que les gens de science ont dit hein, pour les hadiths. Et celui qu'on a cité ici, celui de Anas, hein, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a authentifié, hein, a dit qu'il était authentique. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, hein, les hadiths ou les ahadiths concernant hein, l'essuyage sur les chaussons ou les chaussettes sont très nombreux. Donc on va s'arrêter là parce que c'est bientôt As-Salah. Et on n'a pas fini le sujet, hein, il reste beaucoup de choses à dire. Hein. Là on a vu trois conditions. Respecter le délai, qu'on les ait mis en état de pureté, et qu'on essuie seulement pour les impuretés mineures, yani pour hein, al-hadaf asrar. Wadih? Jazakumullah khairan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khairan.